cœur est trop blanc. Coupe le doigt dans la terre, respire le vent. Plonge dans la rivière, les infinis blancs. Tes yeux plus grands ouverts, cours après le temps. Quand le soleil